2014, la résistance kurde face à l'avancée de Daesh, notamment celle héroïque menée à Kobané, a soulevé l'admiration du monde entier. Or, les menaces et violences subies par les populations kurdes ainsi que l'esprit d'autodéfense et d'auto-organisation remontent à bien plus longtemps et se poursuivent aujourd'hui, avec des populations arabes, assyriennes, yézidis et autres. L'indifférence de la communauté internationale face aux exactions commises par l'armée turque et des milices islamistes djihadistes à sa solde, mais aussi face à l'alternative démocratique proposée pour toute la région en construction depuis plus de 10 ans au Rojava, est une honte. Il s'agit probablement de l'expérience révolutionnaire avec le zapatisme du Chiapas, la plus inspirante du XXIe siècle. S'y intéresser et la défendre est plus nécessaire que jamais. Le 14 juin 2023, une nouvelle attaque de drones turcs sur la route entre Ramishlo et Telbesipi a tué 3 personnes. Jiwan Oso, membre des FDS, et 2 civils, Sozan Ömer et son époux Mohamed Gabar. La vie de ce dernier est un symbole de l'histoire du peuple kurde, faite de pression, de courage et d'aspiration humaniste. Né au Botan, dans le Kurdistan turc d'Ibakur, il y a 33 ans, il a dû fuir son village détruit par l'armée turque. Il a grandi et s'est formé dans le camp de Mahmur, dans le Kurdistan irakien, dit Bashur. Devenu enseignant dans ce camp, qui a mis en place des principes du confédéralisme démocratique dès les années 2000, il décida de rejoindre le Kurdistan syrien, dit Rojava, pour soutenir l'autonomie en construction. Il y a rencontré son épouse, originaire de la région de Derik. Impliqué depuis des années dans l'établissement d'un nouveau système éducatif et dans la valorisation de la langue kurde, son assassinat est un symbole fort. Cette personne, ayant connu dans sa chair la violence de 3 des 4 régions du Kurdistan, a été tué pour montrer que quiconque s'attelle à bâtir un autre modèle de société basé sur l'autonomie et la cohabitation des peuples est une cible pour les États-nations de la région. Nous avons interviewé Eval Ferho, qui a travaillé à ses côtés. Originaire du village d'Abna, à proximité de l'endroit où l'attaque a eu lieu, il a 53 ans, il est le père de 2 filles et 2 garçons. Son aîné, nous dit-il avec fierté, fait des études de pétrochimie. Et une de ses filles étudie la médecine dans l'université du Rojava. Il nous partage avec émotion et humilité quelques souvenirs sur son ami Mohamed, l'importance du travail qu'il a mené et de tout leur amour pour leur langue maternelle. I believe and I think that Qabal Mohamed was the source of love. Je crois qu'Eval Mohamed était source d'amour et de paix, la source de la réalité, la source de l'immortalité et de la littérature. Il est venu ici pour nous montrer, pour montrer au monde la réalité du Kurdistan. Et c'est pour tuer cette réalité qu'ils ont voulu tuer cette personne, parce qu'elle était très importante pour nous. Il voulait montrer au monde la réalité du Kurdistan, des Kurdes ici, montrer la littérature kurde et la vérité sur leur cause. Pour taire cette réalité, cette vérité, ils ont voulu assassiner cette personne remarquable. In order to kill this reality, to kill this truth, he want to assassinate this important person. He was Kurdish person, character. He came here from Mahmur, you know. C'était un Kurde, venu de Mahmur. Il était très enthousiaste. Il aimait beaucoup sa langue kurde. Il est venu ici pour travailler, pour nous aider au Rojava, pour montrer au monde une bonne image de la réalité de la littérature kurde. Il a travaillé ici dans le domaine littéraire. Il est devenu traducteur de littérature kurde, du turc au kurde. Il nous a beaucoup aidés. Nous travaillions ensemble, moi-même ainsi que 2 autres personnes à Remelan. He began to translate the literature of Kurdish from Turkish language into Kurdish language, and he helped us too much. He helped us too much. I and 2 other persons we were working together in Rovila. J'ai commencé à traduire du kurde à l'anglais et de l'anglais au kurde, de l'arabe à l'anglais, dans de nombreuses langues. Avec les autres, nous formions un seul corps, et Mohamed était comme nous. Nous travaillions ensemble, vraiment en équipe. On peut dire qu'il était rempli de mots, d'énergie, de dynamisme. Il était plein d'amour pour cette cause, pour la question kurde. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour venir nous aider, pour montrer la réalité à la communauté internationale. For that he, you can say he came from thousands and thousands kilometers to here in order to help us, in order to show the reality for international sides. Dans cette imprimerie de Kamishli, au nord-est de la Syrie, on publie des livres en langue kurde. Parmi eux, des copies du tout premier roman occidental traduit dans la langue majoritaire de la région. Jusque récemment, il était interdit de traduire des romans en kurde en Syrie. Mais grâce à une initiative locale, le roman « Neige » de l'écrivain français Maxence Fermi est déjà en vente à 1 $. L'opportunité est venue avec les changements politiques dans le pays. Je me rappelle très bien avoir été emprisonné 3 mois à Damas et presque expulsé de l'université parce que j'avais avec moi un livre en kurde. La culture et la langue kurde étaient interdites par les autorités représentées par le parti Baath parce qu'ils voulaient assimiler les Kurdes et leur culture. Mais aujourd'hui, les Kurdes forment une entité, ils ont leur région, le pouvoir, ils possèdent des terres et ils ont des droits. Pendant des années, les Kurdes syriens ont été empêchés de publier des magazines ou des livres dans leur langue. Cette restriction faisait partie d'une série de mesures prises contre les Kurdes, certaines allant jusqu'à les priver de la nationalité syrienne. Il est parti du Bakour en Turquie pour Mahmour, et puis venir vivre ici, parce qu'il était plein d'enthousiasme, plein d'amour pour la cause kurde, la littérature et la langue. Il a travaillé avec nous, il est venu jusqu'ici et nous a aidés en bien des choses. Nous avons fait beaucoup d'interviews avec des universités, avec des étrangers, à Kamishlo, avec beaucoup de centres universitaires en lien avec le Rojava. C'est pour cela qu'il est venu ici. C'est un café du camp, on boit du thé et puis on joue au domino toute l'après-midi, c'est un peu le sport national ici. Comme on a déjà été bombardé, on sait que c'est du sérieux. Et Erdogan, s'il est bel et bien réélu, il voudra en finir avec les Kurdes, les exterminer en Turquie et ailleurs. Mahmour, c'est immense, c'est une véritable petite ville du PKK en Irak. 11 000 Kurdes vivent ici. Beaucoup sont des familles de combattants partis dans les montagnes, dans la guérilla contre l'armée turque. Le camp a été fondé il y a 20 ans maintenant, et depuis tout le monde a les yeux rivés vers le ciel pour guetter les avions et les drones turcs. Thousands, thousands villages in Turkey, Kurdish villages. Des milliers de villages dans le sud de la Turquie, des villages kurdes, ont été détruits. Vous le savez. Environ 5000 villages en Turquie ont été détruits. Mehmet est l'un de ces villageois qui est parti à Mahmour. On peut dire qu'il a émigré de son pays d'origine pour vivre à Mahmour. Lorsqu'il a entendu parler de la cause kurde de Rojava, il est venu pour nous aider. Je le répète, je suis très fier de lui parce qu'il est venu ici au début. Il était parmi les premières personnes qui sont venues pour nous aider ici au Rojava. À Mahmour, il était un professeur de littérature. Il a enseigné à plusieurs reprises au sein de l'Académie, l'Université de Mahmour. tried to teach in Mahmoud many times. He was like a professor in the academy or in the university of Mahmoud. Ce qu'on entend là, ce sont les perroquets de Roche. Roche, c'est une jeune fille, elle a 14 ans, elle est née ici, à Mahmoud, et pourtant elle suit assidûment les élections de son pays d'origine. N'importe qui constate qu'Erdogan tue des gens, vole leur vote et ne peut pas accepter ça, moralement je veux dire. Donc oui, peut-être qu'un jour je vais rejoindre la guérilla du PKK pour me battre contre Erdogan. En train de la regarder, Sultan, c'est la mère de Roche. Dans sa vie, elle a eu 10 enfants, 3 sont morts, c'était... 3 filles combattantes contre l'armée turque. Nos enfants ici voient les drones qu'ils filment avec leur téléphone. Ils sont si bas, les drones, comme les avions de combat. Hier, on aurait dit qu'ils étaient sur le point de nous bombarder. On a eu très peur, c'est psychologique. On fait des cauchemars d'avions la nuit. Sa femme était une kurde de Svidić, au sud de Derik. Beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs y passent leur temps libre parce qu'il y a une rivière qui coule dans le village. Lorsque Cheikh Mehamet est venu travailler ici, il vivait dans des conditions difficiles. Nos camarades lui ont conseillé de se marier et nous avons essayé de l'aider. Il s'est donc marié ici avec Sozan. Je suis allé à son mariage. J'ai dansé à son mariage. C'est comme la famille. I went to his wedding. I danced in his wedding. I am my family. One time, I came to sit beside him. Il y a bien longtemps, une fois, je suis venu m'asseoir derrière lui. J'ai vu qu'il regardait son ordinateur. Il m'a montré son village détruit. Je ne peux pas. Désolé. Il m'a montré son village en ruine. Il est parti à Mahmoud pour cela avec sa famille. Quand il m'a montré ces images, j'ai beaucoup pleuré. Parce que, vous savez, quand une personne a dû quitter son village par la force, c'est terrible. Quelque chose de très triste. Je regarde souvent sa photo. Il a toujours essayé de nous nourrir de son enthousiasme, de son énergie, de nous nourrir d'amour et de paix. Rien ne comptait plus pour lui que la langue kurde. Et il essayait de travailler toujours pour cela. Il était mon professeur. Je le considère comme mon professeur. Le kurde est parlé dans une vaste région contiguë qui s'étend de la Turquie à la Syrie, en passant par l'Irak, l'ouest de l'Iran et l'Arménie, ainsi que dans l'est de l'Iran, à la frontière avec le Turkménistan. On estime à environ 30 millions le nombre de locuteurs natifs. Les Kurdes sont probablement la plus grande nation sans pays. Le statut de la langue est donc très variable. En Turquie, son utilisation a été interdite jusqu'en 1992. Aujourd'hui, il est permis d'utiliser le kurde dans la vie de tous les jours, mais pas dans les médias ni dans l'enseignement. En Syrie, le kurde est interdit. En Irak, le kurde est l'une des deux langues officielles avec l'arabe. En Iran, son utilisation n'est pas interdite, mais elle n'est pas non plus officielle et n'est donc pas utilisée dans l'enseignement public. Le kurde est divisé en trois dialectes principaux. Le kurde du Nord, ou Kurmanji, parlé par 16 millions de personnes en Turquie, en Syrie, dans le nord de l'Irak et dans le nord-ouest et le nord-est de l'Iran. Le kurde central, ou Sorani, parlé par environ 8 millions de personnes dans une grande partie du Kurdistan iranien et de l'Irak, variété officielle du pays. Et le kurde du sud, ou Perwemani, parlé par environ 3 millions de personnes, principalement dans l'ouest de l'Iran. Je veux dire quelque chose au monde. Notre langue kurde est comme beaucoup d'autres langues sur Terre. La langue kurde est en fait proche de la langue anglaise. Ce sont des frères et des sœurs. Je peux vous donner une petite comparaison entre le kurde et l'anglais. Vous connaissez tous les comparatifs en anglais. Old, older. Short, shorter. Big, bigger. Pour former l'adjectif comparatif, nous avons ajouté R à l'adjectif. En langue kurde, c'est un peu la même chose. Kin, kintir. Diresh, direshtir. Spehi, spehitir. Nous ajoutons quoi? Nous ajoutons tir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le kurde est comme l'anglais. Nous sommes frères et sœurs. Nous nous complétons les uns les autres. Le kurde fait partie des langues indo-européennes qui comprennent des branches comme la germanique, la romane, la slave, l'indo-arienne et bien d'autres. Nous pouvons encore observer des similitudes dans le vocabulaire de base de ces langues en apparence différente. Toutes ces langues sont issues du proto-indo-européen qui était probablement parlé dans les steppes du sud de la Russie et de l'Ukraine. There are many civilizations in the world. All of these civilizations, as brothers and sisters, they have to have each other, to help each other. Une des choses que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de civilisations dans le monde. Toutes sont au fond des frères et sœurs qui doivent s'entraider. La langue kurde porte le sceau de ce droit. Lorsque cette langue apparaîtra, réapparaîtra dans la réalité, le monde entier verra notre riche tradition, notre riche culture. Nous sommes comme bien des gens. Nous voulons vivre. Nous voulons accéder à cette belle et riche langue. Nous voulons partager avec beaucoup de gens. Nous voulons être comme bien d'autres personnes dans le monde. Malfa Ali compile aussi des contes et poèmes traditionnels pour les imprimer. Pour commencer, nous allons rassembler toutes les histoires qui ont été racontées dans cette région et mettre ensemble toutes les chansons folkloriques. Nous allons ainsi pouvoir regrouper du vocabulaire, car notre langue était transmise oralement et a souffert du fait qu'elle était dissimulée. Donc elle a besoin d'être enrichie par du vocabulaire. Le gouvernement syrien n'a plus qu'une influence réduite sur les régions kurdes. Les drapeaux kurdes et vêtements traditionnels y ont refait surface, et des centres proposant des cours de kurde ont ouvert leurs portes, donnant un nouveau souffle à une langue autrefois taboue. They are not above us. They are not righter than us. We are like them. Elles ne sont pas au-dessus de nous. Elles ne sont pas plus justes que nous. Nous sommes comme elles. Nous avons les mêmes droits. Nous voulons simplement vivre et rencontrer d'autres peuples, partager avec les autres, nous aider les uns les autres. Parce que vous savez que la littérature se mélange au contact des uns et des autres. Je peux vous raconter beaucoup d'histoires. Parce que j'ai essayé de traduire de l'anglais au kurde bien des contes issus de nombreux folklores. Je vois des choses similaires, des traditions semblables, une culture, des histoires comparables. Nous avons ces contes traditionnels, mais nous devons montrer ce beau visage au monde. La langue kurde est pleine de paix et d'amour. Nous voulons être comme les autres dans ce monde, avoir notre cause, nos frontières, notre nation. I'm very happy to see you here in front of me. I want to, from you, to show our reality to the other world, to be international case. Je suis très heureux de vous voir ici devant moi. Je souhaite que vous montriez notre réalité au reste du monde, que vous en fassiez une cause internationale. Je suis très heureux et très fier de voir des gens comme vous qui donnent de l'importance à cette affaire. Désolé. Vous êtes face à la réalité. Si vous voulez montrer la réalité. Nous ne sommes pas mauvais, nous ne sommes pas durs, nous sommes des gens doux, nous sommes des gens loyaux, vivant ici parmi de nombreuses races, de nombreuses nations. Nous voulons vivre et tentons de donner à d'autres la possibilité de vivre leur propre vie. Nous voulons partager la vie. Nous ne sommes pas des égoïstes. Nous ne vivons pas une vie égoïste. Nous voulons la paix. Nous voulons la stabilité. Enfin, je tiens à vous dire merci. Merci de vous être intéressé à cette histoire. Je suis très fier. Merci beaucoup. Désolé pour, vous savez, l'effet de l'amitié, l'effet de vivre sur sa terre et de tout perdre. Vous aviez tout, puis vous n'aviez plus rien. Sous le régime, vous savez, le régime syrien. En fait, nous sommes entourés ici. Les terres kurdes, dans cette région, par de nombreuses nations qui veulent faire disparaître, détruire, bannir cette belle culture. Merci encore. Merci beaucoup. دلوب کم بون خیال انسان یک به یک شین بون کلیل کن مور دلوب کم بون خیال انسان یک به یک شین بون. C'est seulement à condition de garder des traces des vies menées par ces personnes idéalistes, en nous intéressant à qui elles étaient, que nous pourrons continuer à affirmer, aux côtés des Kurdes, que Şehid Namerin, les martyrs ne meurent jamais. C'est pour cela que nous avons souhaité faire ce podcast. Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté leur contribution de différentes manières et espérons que les versions de différentes langues permettent à davantage de personnes sur le globe de continuer à tourner leur regard vers le Moyen-Orient. Un Moyen-Orient si riche, si dur, si mis à mal et si courageux. Les voix d'enfants qui chantent que vous avez entendues sont celles d'enfants du camp de Mahmoud, en hommage à l'homme qui, avant de venir au Rojava, y avait vécu et était si attaché à eux et à leur éducation.